En Corée, le séminaire national sur la sélection des semences des pommes de terre a eu lieu les 25 et 26 courants à l'Institut scientifique de légumes de Pyongyang de l'Académie de sciences agronomiques. Y ont pris part les cadres et les chercheurs des ministères, des établissements centraux, des domaines de recherche scientifique et de l'enseignement et des secteurs intéressés, ainsi que les officiels de la représentation de la coopération de l'Union européenne en Corée. Les orateurs y ont indiqué comme ce qui suit. À présent, la demande de pommes de terre, aliments favorables à la santé et à la longue vie, augmente de plus en plus dans le monde. Chez nous, on fait activement des recherches sur les semences de pommes de terre, ce qui fait de l'effet dans la production. Par la suite, plusieurs personnes ont prononcé leurs interventions avec thème « Actualité et avenir de la culture des pommes de terre dans notre pays » et « Études sur les moyens techniques de culture pour améliorer la productivité dans la sélection des semences de pommes de terre d'automne ».